église de Saint-Germain-des-Prés. Cette église est sans contredit une des plus anciennes de Paris, puisqu'elle fut construite par le roi Childebert au retour de son expédition en Espagne. Quoique pas très heureux dans cette campagne, le roi des Francs en avait rapporté de grands trésors enlevés aux Visigoths de l'Èbre, et ce qu'il regardait comme plus précieux, la tunique de Saint-Vincent, à lui donner par les habitants de Saragosse. L'église, destinée à recevoir la sainte relique, fut élevée vers la fin de son règne par Childebert et consacrée sous la vocable du saint. L'édifice était magnifique, dit un docte écrivain moderne. Il avait la forme d'une croix latine, il était soutenu par de grandes colonnes de marbre, percées de nombreuses fenêtres et couvert d'un lambris doré. Des peintures à fond d'or embellissaient les murs, une riche mosaïque formait le pavé et des lames de cuivre doré qui formaient la toiture jetaient un si vif éclat que le peuple ne tarda pas à surnommer cette basilique Saint-Germain le Doré. Le nom de Germain lui était donné concurremment avec celui de Vincent à cause de Germain, le saint évêque de Paris, enterré dans cette église près de laquelle s'éleva un monastère qui, par diverses donations des rois et des particuliers, devint une des abbayes les plus considérables de France. Les religieux qui l'habitaient et que Saint-Germain avait fait venir d'Autun suivaient d'abord la règle de Saint-Antoine et de Saint-Basile, à laquelle fut substituée celle de Saint-Benoît, le grand réformateur de la vie monastique en Occident. Dans cette église fut enterrée Childebert, et jusqu'à la fondation de l'abbaye de Saint-Denis au VIIe siècle, elle servit de sépulture aux rois et reines de la dynastie mérovingienne. Lors des grandes invasions des pirates normands, l'église de Saint-Germain et Saint-Vincent fut, en 853, le jour même de Pâques, pillée par les barbares qui, de plus, avant de s'éloigner, y mirent le feu. Mais il put être éteint par les religieux cachés dans les environs et qui promptement accoururent. En 886, l'église fut de nouveau envahie et pillée par les normands et, dit un vieil historien, mise quasi respiée restèrent. Elle se releva cependant grâce au zèle et à la piété des religieux, aidés par le roi de France, mais s'appela dès lors du nom de Saint-Germain seul, Saint-Germain des Prés, à cause qu'elle est située proche des prés que l'on nommait des prés aux clercs. Au IXe siècle, d'après un inventaire laissé par Hirmion, abbé de Saint-Germain-des-Prés, l'abbaye comptait dans ses domaines ou manses plus de 10 000 personnes qui relevaient d'elle hommes libres, colons, lides, demi-serfs, serfs et esclaves, ces derniers au nombre de 600 seulement. Les sujets de l'abbaye n'avaient pas à se plaindre de leurs conditions, relativement très heureuses, car, comme le dit très bien l'écrivain déjà cité, alors que l'Église exerçait sur le pauvre une autorité pleine de mansuétude et disputait le terrain aux envahissements de la force brutale et du sabre, cette grande puissance territoriale attestait, quoi qu'on puisse dire, un incontestable progrès social. L'Église, en effet, assurait seule aux manses un peu de sécurité et de paix. Elle stipulait pour le faible et pour l'opprimé et ne cessait de transformer l'esclavage en servage, le servage en colonna. L'église de Saint-Germain-des-Prés, restaurée assez récemment à l'intérieur, est ornée de remarquables peintures d'Hippolyte Flandrin, à qui, par reconnaissance, un petit monument commémoratif, orné du buste de l'artiste, a été érigé dans une travée latérale, celle de gauche. Disons un mot, avant de terminer, du fameux pré aux clercs dont il est fort parlé dans les vieilles histoires et qui a donné son nom à l'une de nos rues. Le pré aux clercs était un grand terrain appartenant à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés et qui d'abord, se déroulant en forme de plaine, occupait tout l'espace, compris entre la rue Mazarine et les Invalides. Il fut réduit peu à peu par les constructions qui s'élevèrent de divers côtés. Dans le champ qui restait, très vaste encore, les étudiants de l'université avaient pris l'habitude de se donner rendez-vous pour s'esbattre, et par le longtemps, une sorte de prescription s'établit en leur faveur. Ce qui n'était qu'une tolérance devint un droit que l'abbaye Saint-Germain-des-Prés volontairement et gracieusement leur reconnut.